Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 133e émission de Osez Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 26, avec, pour débuter, toujours ce générique Bacchus de Nicolas Gardel et les Headbangers qui nous accompagnent maintenant depuis 5 ans. Et c'est toujours un vrai bonheur de commencer cette émission avec ce thème qui met tout de suite la pêche, même si aujourd'hui, c'est un petit sentiment de tristesse qui va traverser cette émission, puisque on a perdu ces dernières semaines un grand bonhomme du jazz français. J'ai nommé bien sûr Michel Portal et que cette émission va lui être entièrement consacrée parce que même si on avait déjà eu l'occasion de l'écouter au fil de ces saisons, notamment avec son dernier album MP85 sorti il y a déjà maintenant 5 ans et puis ensuite avec notre rubrique générique où on avait justement écouté le générique qu'il avait composé pour le droit de réponse de Michel Pollack au milieu des années 80, eh bien on a par ailleurs pas eu trop l'occasion d'y revenir, donc c'est l'occasion aujourd'hui de faire un portrait musical complet de Michel Portal et en commençant toujours comme on le fait habituellement avec la rubrique générique puisque Michel Portal a composé énormément de musique de films et de radio et de télévision au fil de sa carrière, de sa longue carrière, et donc c'était l'occasion de continuer à faire comme on fait d'habitude avec cette rubrique générique qui ouvre toujours notre émission, avec un film de 1981 dont il avait composé la musique, un film qui s'appelle L'Ombre Rouge, un film de Jean-Louis Comolli qui traitait de la guerre en Espagne entre républicains et fascistes à l'époque. Et donc ce film, évidemment, parlait beaucoup à Michel Portal, qui était né à Bayonne et qui est d'une mère espagnole et d'un père basque. Donc forcément, ce genre de thème lui parlait particulièrement. Et il avait composé donc pour Jean-Louis Comolli la musique de ce film dans lequel on retrouvait du beau monde, puisqu'il y avait Claude Brasseur, Jacques Dutronc, Nathalie Baye, Andrea Ferréol, Maurice Rich, Pascal Bonitzer et même, surprise, un certain Ted Benoît, le grand dessinateur de BD qui jouait un petit rôle dans ce film. Et à noter que dans ce film L'Ombre Rouge, la musique qu'on va écouter là, qui s'appelle Adios et qu'on va pouvoir d'ailleurs lancer tranquillement maintenant, avait déjà été utilisée dans un précédent film de Jean-Louis Comolli, La Cécilia, en 1974. Alors on y entend bien sûr Michel Portal, non pas comme on l'entend souvent habituellement à la clarinette et au saxophone, mais au bandoneon, parce qu'il jouait aussi du bandoneon. On écoute donc ce Adios de L'Ombre Rouge. Thank you. c'était le thème Adios de L'Ombre Rouge, un thème signé Michel Portal, donc dans ce film de 1981 de Jean-Louis Comolli. Alors on a commencé par les années 80, on va revenir un petit peu en arrière pour raconter un petit peu l'histoire de Michel Portal et combien et comment il est devenu un personnage important et central même dans la scène jazz française. Donc comme je le disais, il est né en 1935 à Bayonne, hein, de mère espagnole et de père basque. Et durant toute son éducation, il aura comme ça été un petit peu balancé au niveau musical entre sa culture qu'il va se faire auprès du conservatoire de Bayonne et puis les week-ends où il joue dans les bandes basses, dans les fanfares basques et puis éventuellement dans des petits orchestres pour animer des bals, etc. Enfin voilà, il a cette double culture qui va rester tout le temps dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va composer, dans ce qu'il va arranger, écrire, entre voilà la musique un petit peu académique et la musique populaire. Et évidemment, comme tout un chacun à ses débuts de carrière, eh bien, il va monter à Paris, il va là aussi faire le conservatoire d'un côté où il travaille essentiellement la clarinette, puisqu'il va devenir un clarinettiste classique vraiment très très reconnu, avec cet instrument, il va enregistrer énormément de choses, du concerto pour clarinette de Mozart à des pièces de chambre de Brahms ou de Schumann, et des pièces qui restent aujourd'hui dans ces versions. Des versions de référence, mais aussi il va commencer à aller jouer le soir ou le week-end dans les petits clubs de jazz de Paris. Et il va s'y faire connaître là d'abord à la clarinette et puis ensuite petit à petit au saxophone, alto, saxophone soprano. Il n'aime pas choisir, il fait saxophone ténor même parfois, mais voilà, il est joue de tous ses instruments, c'est un souffleur, Michel Portal, et il aime vraiment jouer là-dedans. D'ailleurs, le bandoneon est aussi un instrument qui souffle à travers son accordéon, sa partie centrale. Donc on va le retrouver comme ça souvent sur les scènes, et puis il va s'y faire petit à petit connaître au point de devenir un des musiciens qu'on demande un petit peu en studio aussi, pour venir épauler d'autres artistes. Et il y a une artiste qu'il va épauler régulièrement dans les années 60, c'est la chanteuse Barbara. Il va participer à de nombreux enregistrements de Barbara, qui lui restera fidèle au fil des années. Et le premier album qu'enregistre Barbara pour Philips, après avoir fait d'autres enregistrements pour Pathé Marconi à l'époque, au début des années 60, en 1964, elle sort son premier album pour Philips, un très très bel album. C'est le fameux album tout blanc avec deux roses sur la pochette et les titres des morceaux qui apparaissent comme ça, et qui est vraiment un des albums marquants à l'époque de la chanson française, puisqu'il va inspirer énormément, énormément, énormément d'autres artistes. Et dans cet album, donc, on retrouve Michel Portal, qui donc participe à cet enregistrement en compagnie d'autres musiciens, principalement des musiciens de jazz d'ailleurs, parce que Barbara aimait justement s'entourer de gens qui avaient un petit peu de liberté, un petit peu de spontanéité dans leur jeu. Et dans cet album, alors il y a plusieurs titres marquants, notamment le fameux Nantes et son Il pleut sur Nantes, et un autre titre que l'on va écouter, qui est le morceau qui s'appelle Pierre, qui est une merveilleuse chanson qui parle d'un amour, Pierre, mais sans jamais dire le mot amour, ni sans jamais dire le mot je t'aime ou quoi que ce soit. C'est à partir de petites scènes de la vie quotidienne, une déclaration d'amour de Barbara à ce Pierre, dont on ne sait pas vraiment qui il est, parce que Barbara a eu de nombreux amants, mais celui-là, on a eu du mal à le cerner, on va dire. Et ce morceau est en fait une sorte de dialogue entre la voix et le piano de Barbara d'un côté et le saxophone de Michel Portal, qui l'accompagne d'abord en quelques notes. La chanson commence par ces quelques mots, il pleut, et on entend juste quelques petites notes de saxo qui sont comme des gouttes de pluie qui tombent, et puis petit à petit, la voix et le saxo se répondent comme faisant un dialogue, comme si le saxo était Pierre, en fait. Et c'est vraiment tout à fait intéressant à voir, et surtout, on se rend compte de la liberté déjà qu'a Michel Portal à répondre comme ça à cette voix un petit peu mutine de Barbara dans cette chanson. On va donc écouter maintenant tout de suite ce Pierre par Barbara avec Michel Portal au saxo. Il pleut. Il pleut sur les jardins à l'envi, sur les roses de la nuit. Il pleut des larmes de pluie. Il pleut et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu, que c'est joli la pluie. Quand Pierre rentrera, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici. Silence et puis un cri, c'est rien. Un oiseau de nuit qui fuit. Que c'est beau cette pénombre, le ciel, le feu et l'ombre qui se glisse jusqu'à moi sans bruit. Pierre en 1964 avec donc le saxophone de Michel Portal qui l'accompagne sur ce morceau qui rappelle un petit peu aussi la petite cantate de la même Barbara, puisque ça fait un thème tout à fait proche de Bach dans l'esprit. C'est aussi pour ça peut-être que Michel Portal était aussi à l'aise avec sa formation classique pour pouvoir l'enregistrer avec la chanteuse. Alors Michel Portal va multiplier un petit peu les expériences comme ça, et on va le retrouver maintenant en 1967 en compagnie d'un certain Claude Nougaro. Et oui, forcément, quand on parle de chansons et de jazz, il y a un moment où le nom de Claude Nougaro apparaît, étant donné son pédigré. Lui qui était un grand amateur de jazz et qui était toujours lui aussi entouré de musiciens qui étaient originaires de ce style de musique. Alors en 1967, sur l'album Petit Taureau, Claude Nougaro enregistre donc ce morceau qui s'appelle La Clé. Alors Michel Portal ne joue pas sur le morceau, mais c'est lui qui a co-composé ce morceau. Alors Claude Nougaro en a écrit le texte. Et la musique est signée Franck Dallone et Michel Portal. Franck Dallone, vous me direz, ça vous dit peut-être rien, mais en fait, Frank Dallone, c'est un pseudonyme. Le monsieur qui se cache derrière ce nom de Frank Dallone n'est autre que Maurice Vander, le pianiste qui a accompagné Nougaro pendant toute sa carrière, qui est aussi le père de Christian Vander, donc le batteur de Magma, et qui a pratiquement servi de pianiste à Claude Nougaro de 1960 jusqu'à 1995 à peu près. Et dans cette carrière longue, les deux hommes ont été particulièrement complices. Donc 1967, on va donc écouter cette clé signée Michel Portal et Frank Dallone d'un côté et puis Claude Nougaro pour le texte. C'est parti. Donnez-moi la clé, donnez-moi la clé, Saint-Pierre. Donnez-moi la clé, Saint-Pierre. Donnez-moi la clé. Pourquoi la porte est-elle toujours bouclée, Saint-Pierre. Donnez-moi la clé, Saint-Pierre. Donnez-moi la clé. N'attendez pas que je sois décédé, Saint-Pierre. Donnez-moi la clé, Saint-Pierre. Donnez-moi la clé. La belle vie, faut pas nous l'enterrer, Saint-Pierre. Donnez-moi la clé, Saint-Pierre, donnez-moi la clé, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé, je l'ai cherchée partout, partout, Saint-Pierre, donnez-moi la clé, même sous mon paillasson quand j'étais sous, Saint-Pierre, donnez-moi la clé, tant cherché que j'en suis devenu fou, Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Fou, c'est normal que je m'adresse à vous, Saint-Pierre, donnez-moi la clé, Saint-Pierre, donnez-moi la clé, la clé, la clé, la clé, la clé. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas un saint, mais dites-moi qui il est. Je ne suis pas tout encre, je ne suis pas tout encre, vous n'êtes pas tout laid. Lancez-moi la première pierre, Saint-Pierre, jetez-moi la pierre. Ou bien donnez-moi la clé, Saint-Pierre, donnez-moi la clé, Saint-Pierre, donnez-moi la clé, la clé, la clé. La clé en anglais ça se dise qui, Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Et le baiser se traduit par the kiss, Saint-Pierre, donnez-moi la clé. De la vérité serait-ce l'esquisse, Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Est-ce que la clé du monde est un baiser, Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. La clé, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé. Voilà, c'était Claude Nougaro, donc, avec La Clé, un thème écrit par Michel Portal et Maurice Vander, donc, sur lequel Claude Nougaro a posé ce texte un petit peu étonnant sur Saint-Pierre et ses clés. C'est clé du paradis. Voilà pour cette participation un petit peu de Michel Portal à ses débuts à différentes entreprises de la chanson française, on va dire. Parallèlement, donc, dès 1965, en fait, il participe aux enregistrements d'autres artistes, notamment le premier disque français de free jazz. Le free jazz qui avait été lancé un petit peu aux États-Unis par Ornette Coleman aux environs de 62-63. Et déjà en France, en 1965, où le grand musicien François Tusk lance ce premier album, ce premier enregistrement qui s'appelle Free Jazz, tout simplement. Pourquoi appeler les choses autrement que par leur véritable nom ? Donc Free Jazz, et auquel participe déjà Michel Portal. À ce moment-là, il a à peine 30 ans, hein, en 65, et il est déjà demandé pour participer à cette expérience de plusieurs musiciens. Cet album aura un succès, on va dire, tout relatif, mais il sera un album fondateur du style free jazz en France, et il faudra attendre à peu près 1969, où là, ça sera Michel Portal lui-même qui signera un peu presque le deuxième vrai album de free jazz français. C'est le How Meanings and How Feelings qui sort chez Pathé en 1969. Et puis, juste après, en 1970, déjà, il y aura un deuxième album qui sera plus chez Pathé Marconi et Mi comme le premier, qui n'ont pas dû trouver les chiffres de vente aussi très importants. Il y aura l'album Alors. L'album Alors, donc c'est sous le nom de Michel Portal lui-même, un album où il réunit John Surman, Bart Phillips, Stu Martin et Jean-Pierre Drouet, pour un disque sorti sur un tout petit label, Futura Records. Là aussi, il va pas s'en vendre des millions, mais l'important, c'est que tous ceux qui vont l'écouter vont être un petit peu marqués par cet album. Donc on a dans le groupe un bassiste, Bart Phillips, un batteur, Stu Martin, un percussionniste, Jean-Pierre Drouet, et puis surtout deux saxophonistes, Michel Portal, qui joue du sax alto et de la clarinette basse, et puis John Surman, qui joue du sax baryton, du soprano, mais aussi de la clarinette basse. Donc avec tout ça, les cinq compères vont réussir à faire un album qui va un petit peu égaler ce qui a été fait aux États-Unis par Ornette Coleman ou Albert Tyler, et marquer un peu sensiblement les esprits, des disques qui passeront assez souvent sur des émissions comme celle de Joseph Arthur sur France Inter. Joseph Arthur qui disait de Michel Portal à l'époque, ce comanche de la clarinette qui n'a jamais voulu suivre la file indienne. Voilà, c'est une bonne définition de Michel Portal. Et donc de cet album là et ben je vous ai choisi un morceau. Alors j'ai pas été choisir le plus ardu de tous, hein. Je vais ménager un petit peu vos oreilles, chers auditeurs, en cette soirée. C'est le morceau qui s'appelle Yes, Oh Yes, You Sun-Kissed Maiden, et ça reste encore un des morceaux les plus abordables, donc je vous laisse deviner ce que pouvait donner le reste sur l'album. Voilà, ne touchez pas au bouton de votre radio, le son qui en sort est tout à fait normal. Nous étions en train d'écouter Michel Portal dans son album Alors de 1970. Le morceau s'appelait Yes, Oh Yes, You Sun-Kissed Maiden. Et voilà, ça dure quand même, je crois, dans les 8-9 minutes comme ça. C'est particulier, je vous en passerai pas d'autres comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile à écouter. Faut quand même savoir que cet album, sorti en 1970, aujourd'hui, dans son édition originale, se vend et se revend à des tarifs absolument hallucinants, vu qu'il s'en est pas vendu des tonnes à l'époque. Voilà, donc la traversée des années 70 pour Michel Portal sera toujours un petit peu dans cet esprit-là. Il va mettre au point notamment sur pied un festival qui s'appelle le Festival de Château-Vallon, qui n'existe malheureusement plus, mais qui sera un festival un petit peu particulier, parce que sur ce site de Château-Vallon, eh ben, il y aura beaucoup d'expériences dans cet esprit-là, en live, direct, avec des musiciens qui viendront improviser devant un public nombreux, souvent des concerts qui seront retransmis, soit sur France Musique, soit sur France Inter à l'époque. Ça paraît un petit peu étonnant aujourd'hui, mais voilà, si vous avez la curiosité, vous pouvez aller voir un petit peu sur YouTube et tout. Il y a beaucoup de vidéos de cette période-là, de ces concerts-là. C'est vrai qu'avec les images, c'est un petit peu plus facile à suivre que simplement avec le son comme ça. Et puis, bon, petit à petit, au fil des années, il y a aussi les amis, parce que Michel Portal a toujours cultivé l'art de l'amitié en musique, et autour de lui, bah, on retrouve toujours un petit peu certains artistes identiques. On a parlé de Maurice Vander tout à l'heure. Il y a Jean-François Jenny Clark aussi, le contrebassiste, qui est un petit peu de toutes ses aventures. Et puis il y a Aldo Romano, un batteur d'origine italienne, français mais d'origine italienne aussi, qui en 1979 va sortir un album dans lequel il va réunir justement Michel Portal, Claude Barthélémy, l'excellent guitariste Claude Barthélémy, et puis Jean-François Jenny Clark plus Michel Portal, pour un très bel album dans lequel il va célébrer un petit peu ses origines italiennes, avec des thèmes qui sont issus justement, qu'il a lui-même écrit, mais qui sont influencés, je dirais plutôt, par le folklore italien. Et c'est vraiment une très très belle réussite. Alors Aldo Romano y est à la batterie et aux percussions, mais aussi de temps en temps à la voix, on l'entend chanter sur certains morceaux, et puis de temps en temps il prend la guitare, comme sur le thème qu'on va écouter, qui est dans lequel il y a deux guitaristes, donc Claude Barthélémy et Aldo Romano, et puis Michel Portal qui, pour une fois, joue du bandoneon sur ce très beau thème qui s'appelle Il Camino, que par la suite, monsieur Claude Nougaro, encore lui, adaptera dans sa chanson Rime. Il mettra un texte dessus, c'est pourtant une mélodie qui est pas facile à travailler, mais bon, c'est un tel magicien des mots, Claude Nougaro, qu'il arrivera à créer dessus un très beau texte intitulé Rime, qui deviendra un de ses morceaux un petit peu fétiche, qu'il chantera longuement et très régulièrement au fil de ses concerts, jusqu'à sa mort. On va donc écouter ce Il Camino de Aldo Romano en compagnie de Michel Portal en 1979. Thank you. Aldo Romano, Michel Portal au bandeau néon, Claude Barthélémy et Jean-François Jenny Clark pour ce thème, très beau thème, Il Camino, en 1979, sur l'album Il Piacere de Aldo Romano. Une bien belle valse, aux antipodes de ce qu'on avait pu écouter juste avant, et aussi assez différente de ce que l'on va écouter maintenant, puisque dès 1980, l'année suivante, Michel Portal sort un nouvel album qui s'appelle Dejarme Solo, un album donc dans lequel il est entièrement seul, ce qui est pas vraiment dans ses habitudes, puisque jusque-là, il a toujours joué en compagnie, et comme je vous le disais, il a tellement cultivé les amitiés en musique que il aimait toujours s'entourer de gens pour voilà, exprimer encore au mieux sa musique. Mais là, il a voulu s'enfermer un petit peu tout seul dans ce studio. Alors, l'album, ce titre, Del Arme Solo, Francis Marmande, dans le texte de présentation du disque, expliquait un petit peu d'où venait cette expression. Autrefois, quand un torero se laissait prendre par le taureau, sans mal, mais tout de même, et qu'il se relevait comme ça, vaguement poussiéreux, un peu humilié, et comme nous, bien soulagé, alors, aux valets et aux amis courus pour l'aider, il criait rageusement « Dejarme solo !»« Laissez-moi seul !» Je n'ai besoin de personne. Voilà, c'est la difficulté d'être seul face au taureau. Voilà. Et là, c'était Michel Portal, seul face à la console, face à sa solitude aussi, mais dans lequel il se souvient aussi pas mal de sa culture basque, et on va l'entendre particulièrement dans le morceau que l'on va écouter, qui s'appelle En el Campo, dans lequel il joue de clarinette et de sax. Alors il y a plusieurs pistes, c'est-à-dire qu'il rejoue, il réenregistre par-dessus une première piste de sax ou de clarinette, donc il rejoue plusieurs fois et il crée son thème comme ceci. Et c'est vraiment un très très beau morceau, avec plein de tierces qui font que la musique sonne aussi un petit peu comme les bandas basques dans ce morceau-là. On va l'écouter tout de suite. Donc 1980, Michel Portal, Dejarme Solo. Thank you. C'était donc un extrait de cet album de Jarme Soro de Michel Portal qui s'appelle En el Campo en 1980. Et là encore, on imagine le musicien seul dans le studio en train de rajouter justement des couches de saxophone. C'est assez étonnant et assez captivant comme ça d'essayer de déceler un petit peu toutes les pistes qu'il peut y avoir, y compris ces espèces de petites percussions qui semblent s'écouler derrière la musique. C'est vraiment très très beau. Alors on va maintenant passer directement en 1987 avec peut-être un des albums les plus célèbres de Michel Portal. C'est celui qui s'appelle Turbulence, qui a fini de l'installer, je dirais, aussi bien auprès de ses amis musiciens que du grand public, parce que c'est vraiment l'album qui l'a fait découvrir à plein de monde. Alors il y a encore beaucoup de jolis monde pour l'accompagner cette fois-ci dans cet album. On y retrouve Mino Cianello aux percussions, qui à l'époque travaille aussi avec Miles Davis. On y retrouve Daniel Humer et André Ceccarelli, les deux batteurs stars un petit peu du jazz français. Richard Galliano est à l'accordéon. Bernard Luba, le vieil ami Bernard Luba, qui l'a lui aussi suivi pendant toute sa carrière, lui aussi originaire de Gascogne. Donc les deux hommes avaient beaucoup de choses en commun au niveau de tout ce qui est un héritage folklorique. Et puis il y a aussi Andy Emler, donc les deux hommes, Bernard Luba et Andy Emler, sont au synthétiseur. Claude Barthélémy et Harry Peppel à la guitare, et Jean Schwartz qui utilise un petit peu les traitements sonores divers et variés, aussi bien à base de percussions que de synthétiseurs. Et puis Jean-François Jenny Clark, toujours là, à la contrebasse. Et sur certains morceaux, c'est aussi en complément Yannick Top qui lui joue à la basse électrique dessus. Donc tout ce beau monde se réunit en studio pour un album qui va un petit peu travailler autour du jazz et puis des influences notamment africaines, pas mal de percussions et de rythmes qui nous viennent un petit peu d'Afrique sur cet album, notamment dans le morceau star de cet album qui ouvre l'album, qui s'appelle Mozambique. Donc forcément, on a l'impression en l'écoutant d'être dans la moiteur d'une forêt tropicale. Ça foisonne de percussions et puis de sax, bien sûr, forcément. Mozambique, Michel Portal. Thank you. C'était un extrait de cet album Turbulence de Michel Portal en 1987. Le morceau s'appelait Mozambique. Et c'est vraiment un des morceaux un petit peu emblématiques de sa carrière qu'il continuera à jouer régulièrement par la suite en concert. Petit à petit, voilà, Michel Portal s'installe de plus en plus sur la scène, mais toujours en essayant de multiplier les expériences. Il y aura un album en duo avec Richard Galliano, notamment, qui aura son importance aussi dans la carrière des deux hommes, juste sax et clarinette basse plus accordéon, et ils revisiteront ensemble de bien beaux thèmes comme ça, tous les deux. Et puis, il y a en 1998, un nouvel album qui paraît, qui s'appelle Dockings, dans lequel, là encore, Michel Portal est très très bien entouré, puisqu'on y retrouve Bruno Chevillon à la contrebasse. Cette fois-ci, Jean-François Jenny Clark n'est pas de la partie. Il y a Bojan Z au piano, qui restera aussi, lui, à partir de ce moment-là, son pianiste favori et son pianiste vraiment complice pendant pratiquement toute sa carrière, enfin jusqu'au bout, puisque il participait à l'album MP85 sorti il y a 5 ans, et au nouvel album qui paraîtra normalement au printemps. J'ai eu les gens de sa maison de disques Label Bleu là, ces temps-ci, et donc il y a un album qui était prévu à sortir et dont ils espéraient que Michel Portal pourrait faire la promotion. Malheureusement, ça ne se fera pas, mais l'album sortira bien, donc Bojan Z sera dessus aussi. Il y a Joey Barron, rien que ça, à la batterie, et Steve Swallow à la basse, donc là aussi deux grosses pointures américaines du jazz, et puis Marcus Stockhausen à la trompette qui vient souffler un petit peu dessus, et puis Michel Portal, donc toujours aux clarinettes basses, clarinettes soprano, saxo, alto et bandoneon sur l'ensemble des morceaux. Un très bel album qui commence par ce morceau qui est une sorte de cri de guerre. Le morceau s'appelle Barouf. Alors voilà, Michel Portal va nous faire du Barouf, mais son Barouf. Et ce Barouf, c'est toujours agréable à écouter. Donc Michel Portal, extrait Dockings, Barouf. Thank you. Michel Portal, extrait de cet album Dawkins en 1998. Le morceau s'appelait Barouf et vous aurez noté cette rythmique très très très très funky. Et j'en profite d'ailleurs pour présenter notre nouvel ingénieur du son, Maxime, qui me faisait remarquer de manière tout à fait correcte d'ailleurs que la clarinette basse au début de ce morceau sonnait tout à fait comme un didgeridoo presque. Et c'est vrai que c'est ça, cette sonorité un petit peu profonde que l'on entend dans cet instrument. Et se rapproche pas mal du didgeridoo australien. Voilà, donc ce barouf un petit peu funky inaugurait un passage dans lequel Michel Portal va continuer d'explorer de nouvelles musiques et qui vont l'emmener jusqu'à Minneapolis en 2001 pour enregistrer notamment avec une des rythmiques qu'a utilisé Prince au fil de ses albums, celle du NPG, New Power Generation. Donc en 2001, il sort cet album qui s'appelle Minneapolis. On y retrouve donc Sonny Thompson et Michael Bland, qui sont vraiment la rythmique de ce New Power Generation de Prince. Et puis on y retrouve aussi Vernon Reid, le guitariste de Living Color, et Tony Imas, qui avait beaucoup travaillé avec Jeff Beck, au clavier. Ça donne un album assez divers, avec des parties carrément rap, d'autres parties plus cool, d'autres parties plus funk, comme dans le morceau qu'on va écouter tout à l'heure. Je voulais juste préciser que j'ai eu l'occasion aussi de voir Michel Portal sur scène, notamment au Sable d'Olonne, aux alentours de 2013-2014 à peu près, où je l'avais vu sur scène en compagnie de Émile Parisien au saxophone et Vincent Perrani à l'accordéon et au bandoneon. C'était juste en trio comme ça, et c'était absolument magique. Un trio qui était véritablement qui faisait qu'un seul, quoi. C'était incroyable comme il se complétait. Émile Parisien avec ses phrases très très fluides au sax, et puis Michel Portal, un jeu plus haché, plus rythmique et tout, qui était vraiment superbe. Et Vincent Perrani qui assurait la rythmique de tout ça sur son bandoneon ou sur son accordéon. C'était vraiment vraiment magique. Vincent Perrani, qu'on retrouve d'ailleurs en concert ce samedi, le samedi 14 mars, à MAM, en compagnie de François Salk. Donc tous les deux vont faire un concert qui est issu de leur projet autour de Bach, qui s'appelle donc le Bach Project. Et donc, qui dit mélange comme ça un petit peu de jazz et de musique classique, c'était l'occasion de vous en parler, puisque voilà, Michel Portal, toute sa vie, a oscillé entre ces deux mondes, sans les faire se rencontrer véritablement, mais en y apportant à chaque fois la petite touche que le classique pouvait apporter au jazz ou que le jazz pouvait apporter au classique. Donc on revient à cet album donc de 2001 qu'il va enregistrer jusqu'à Minneapolis pour aller rencontrer les nouvelles tendances américaines. Et cet album va remporter un succès monumental, sera suivi d'un deuxième volume puis d'un live. Et c'est vraiment un des derniers, je dirais, gros succès de Michel Portal, même si après les albums suivants, y compris le MP85 sorti il y a 5 ans, ont connu un beau succès. C'est vraiment un album qui aura marqué les esprits, parce que on se demandait ce que Michel Portal pouvait bien aller faire à Minneapolis et sur le terrain de Prince. Et vraiment on l'y retrouve tout à fait dans son élément. c'est un bel élan collectif qu'on retrouve dans cet album-là et qui fonctionne véritablement très très bien. Voilà, c'est avec ce morceau-là qu'on va terminer cette émission spéciale donc en hommage à Michel Portal. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude, aujourd'hui il n'y avait pas d'agenda concert, pas de nouveautés à écouter, mais on y reviendra la semaine prochaine. Je voulais remercier encore Maxime qui a assuré le son avec vraiment beaucoup de verve ce jour-ci. Et puis, on va se quitter donc en écoutant un morceau extrait de cet album Minneapolis de Michel Portal, Sky Tinted Water. On se retrouve lundi prochain à la même heure. Et d'ici là, que le jazz soit avec vous.